السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Bienvenue à tous. أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit bienfaisant envers vous et vous facilite. Comme cela a été annoncé, le titre de cette conférence est l'importance de s'unir sur la vérité. Et il n'y a pas de doute que ce sujet est très important. Et il est digne d'être mentionné plus souvent, que ce soit dans les conférences, dans les sermons et autres. Car nous vivons dans une époque où les troubles et les dissensions sont nombreuses. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé de cela dans de nombreux hadiths, notamment celui rapporté par l'imam Abu Daoud, d'après Abu Najih al-Irbad ibn Sariya qu'Allah l'agrée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ceux qui vivront parmi vous verront de nombreuses divergences. Et il a dit aussi dans le hadith de Abu Huraira radiallahu anhu qu'Allah l'agrée: et cette communauté se divisera en 73 groupes. Et ce fondement fait partie des plus grands fondements sur lesquels est basée cette religion. Car certes, Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de nous unir et a blâmé et interdit la division, tout comme il a interdit les divergences dans de nombreux versets et dans de nombreux hadiths prophétiques dans lesquels il a clarifié l'immensité de ce fondement. Et les choses qui indiquent que ce fondement est très important sont nombreuses. Parmi elles, Allah subhanahu wa ta'ala l'a mentionné dans de nombreux versets. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a mentionné dans de nombreux hadiths. et les savants de la Sunna lui ont toujours donné beaucoup d'importance, surtout en temps de trouble. Tu ne trouveras pas en général un livre qui traite de la croyance des gens de la Sunna sans que ce fondement y soit mentionné. Et l'une des causes principales qui a poussé les savants à faire cela, c'est le grand besoin de la communauté. C'est le grand besoin qu'a la communauté de s'unir. Car comme nous l'avons dit précédemment, il y a de nombreuses divergences. Et donc plus il y a de divergences, et plus les savants de la Sunna clarifient ce fondement. Car la règle chez les gens de la Sunna, et plus la communauté a besoin d'une chose dans la religion, et plus il la clarifie. Prenons à titre d'exemple les troubles qui ont eu lieu à l'époque de l'imam Ahmed, qu'Allah lui fasse miséricorde. Avant son époque, les gens de la Sunna clarifiaient que très rarement que le Coran n'est pas créé et que c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car les musulmans n'avaient pas de problème avec cela. Et donc, il n'y avait pas forcément besoin de rappeler ce sujet. Mais à l'époque de l'imam Ahmed, lorsque les troubles ont éclaté et que certaines personnes parmi les gens de l'innovation, parmi les Mu'tazila et ceux qui ont suivi leurs traces, qui ont prétendu que le Coran est créé, et ils ont même réussi à convaincre certains gouverneurs que le Coran est créé, les savants de la Sunna ont été contraints de clarifier la fausseté de cette parole. Et ils ont dit leur parole qui est connue et qui a été rapportée de nombreux salafs, tels que Sofiane Thaouri, qu'Allah lui fasse miséricorde, tels que Abu Thawr, ou tels que Waqia, et d'autres, qu'Allah leur fasse miséricorde. Leur parole qui est connue, qui est celui qui prétend que le Coran est créé a mécru. Celui qui prétend que le Coran est créé a mécru. Comme l'a rapporté le grand imam des gens de la Sunna, Al-Lalaka'i, dans son livre intitulé « L'explication des fondements de la croyance des gens de la Sunna ». Quand est-ce qu'ils ont été obligés de multiplier la clarification de ce point? Lorsque la communauté en avait le plus besoin. Et ceci nous montre, Ikhwani fillah, à quel point les gens de la Sunna ont de la miséricorde envers les gens, car ils leur éclaircissent ce qu'ils ont le plus besoin pour les choses de la religion. Et le grand savant, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde, a une très belle parole à ce sujet. Il dit dans son livre intitulé « Minhaj Sunna » « Les gens de la Sunna sont plus savants de la vérité et plus miséricordieux envers les gens. » Fin de citation. Ceci dit, il est important de savoir l'union qui est voulue et visée dans le Coran et dans la Sunna et aussi dans les paroles des pieux prédécesseurs. Car la compréhension des gens diverge sur ce sujet. C'est pour cela qu'il est très important de connaître ce point. Sachez qu'Allah vous fasse miséricorde, que ce qui est voulu par l'union dans les textes, que ce soit dans le Coran ou que ce soit dans la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou dans les paroles de nos pieux prédécesseurs, c'est l'union sur le Coran et la Sunna avec la compréhension des salaf salih, avec la compréhension des pieux prédécesseurs. Et la preuve à cela réside dans le verset 103 de Sourate Ali Imran. Allah subhanahu wa ta'ala dit: Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Et attachez-vous tous au câble d'Allah et ne vous divisez pas. Et nous avons aussi le hadith rapporté par l'imam Muslim dans son recueil authentique d'après Abu Huraira, qu'Allah l'agré. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, Allah agrée trois choses pour vous et déteste trois choses pour vous. Il agrée que vous l'adorez sans rien lui associer et que vous vous attachez tous au câble d'Allah sans vous diviser. Il déteste pour vous les ondits, le questionnement excessif et la dilapidation des biens. Et l'éminent savant, cher Salih al-Fawzan, qu'Allah le préserve, nous dit concernant le câble d'Allah subhanahu wa ta'ala: le câble d'Allah, c'est le Coran et la Sunna, ou en d'autres termes, c'est sa révélation qu'il a fait descendre sur son prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit le Coran ou la Sunna. Fin de citation. Ces textes nous indiquent clairement que l'union ne peut être que sur le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec bien sûr la compréhension des pieux prédécesseurs, en commençant par les compagnons qu'Allah les agrée, car ce sont eux qui ont vécu la révélation. Et ce fondement qui est l'union sur le Coran et la Sunna, avec la compréhension des pieux prédécesseurs, est l'un des plus grands fondements des gens de la Sunna, dans lequel ils se sont différenciés des gens de l'innovation. Car selon les gens de l'innovation, l'union est possible avec n'importe qui. Selon eux, c'est possible de s'unir avec des gens qui contredisent la Sunna. Prenons par exemple la secte des frères musulmans et ceux qui suivent leurs traces. Tu peux les voir s'unir avec des gens qui sont très loin du Coran et de la Sunna, comme la secte des chiites. Et la preuve à cela, c'est que dans certains congrès, tu les vois réunis sans problème, alors que les chiites ont de nombreux égarements. Parmi eux, ils ont la conviction que le Coran est falsifié. Ils accusent la mère des croyantes, Aïcha, qu'Allah l'agré, ainsi que son père. Ils l'accusent d'avoir commis la fornication, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a innocenté dans le Coran, dans 16 versets consécutifs. Ils prétendent aussi que certains compagnons ont mécru. Ils sont partis tellement loin dans l'égarement que selon eux, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Sourate Al-Baqarah: وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً, lorsque Moussa dit à son peuple: Allah vous ordonne d'immoler une vache, ils ont dit: ce qui est voulu par la vache, c'est Aïcha radiallahu anha, nas'alullah al-afiyata wa salam. Malgré tout cela, les frères musulmans n'ont aucun mal à s'unir avec eux. Et quelqu'un ici pourrait dire: qu'est-ce qui a mené les frères musulmans à contredire ce grand fondement? La réponse, c'est qu'il y a de nombreuses choses qui les ont menés à cela. Mais le temps est trop court pour tout mentionner. Mais nous allons simplement mentionner deux de leurs règles qui ont été une cause à cela. La première règle C'est leur règle d'or qui est nous nous entraidons dans les choses sur lesquelles nous sommes d'accord et nous nous excusons mutuellement dans les choses sur lesquelles nous divergeons. Cette règle est l'une de leurs plus grandes règles, d'où son nom, Al-Qa'idatu Zahabiyya, la règle d'or. Et concrètement, cette règle indique qu'ils s'unissent avec n'importe qui, car ils vont s'entraider dans les choses sur lesquelles ils sont d'accord et dans les choses sur lesquelles ils divergent, ils vont s'excuser mutuellement. C'est-à-dire qu'ils vont se taire sur les innovations et les égarements des autres. Et il n'y a pas de doute que cette règle est caduque. Et elle n'a aucune base dans notre religion. Et elle vient même annihiler certains fondements de la religion. Parmi eux, ordonner le bien et interdire le blâmable. Car lorsqu'ils s'unissent avec ceux qui contredisent le Coran et la Sunna, tout en ne prêtant pas attention à leur égarement, ils n'ont en aucun cas interdit le blâmable. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait l'éloge de cette communauté, justement car elle ordonne le bien et interdit le blâmable. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkari wa tu'minuna billah. » Vous êtes la meilleure communauté suscitée pour les hommes. Vous commandez le bien, interdisez le mal et croyez en Allah. Et il est venu dans la sunna l'ordre d'interdire le blâmable et ordonner le bien. Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, quiconque parmi vous voit une chose blâmable, alors qu'il la change par sa main, s'il ne peut pas, alors par sa langue. Et s'il ne peut pas, alors par son cœur. Et ceci est le plus bas degré de la foi, rapporté par Muslim. Également, cette règle vient annihiler le fondement de l'alliance et le désaveu, car il est obligatoire aux musulmans de se désavouer des innovations, car ils contredisent le Coran et la Sunna. Mais ces innovations ne sont pas venus seuls, ils ont des adeptes, et il est donc obligatoire de se désavouer d'eux. La deuxième règle qui a mené les frères musulmans à contredire ce grand fondement est leur règle connue, la fin justifie les moyens. C'est-à-dire que si tu as un but louable, tu peux utiliser n'importe quel moyen pour y arriver. Et cette règle, comme l'ont mentionné les savants de la Sunna, vient à la base des mécréants. Ensuite, les frères musulmans l'ont pris et l'ont utilisé. Mais par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons la preuve dans le Coran que cette règle est caduque. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 3 de Sourate Az-Zumar, Sourate les groupes, والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. Ceux qui adoptent des maîtres en dehors de lui disent: nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent d'Allah. Allah jugera entre leurs différends. Allah ne guide pas celui qui ment et renie. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe que les polythéistes ont pris des maîtres en dehors d'Allah, qu'ils ont adoré. Et leur but dans cela, c'était qu'ils les rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala davantage. Et il n'y a pas de doute qu'être proche d'Allah et être l'un de ses rapprochés est un but noble et un objectif louable. Malgré cela, ils ont adoré autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala pour y arriver. Et de ce fait, Allah subhanahu wa ta'ala les a considérés comme mécréants. Et donc les savants de la sunna se sont basés sur ce verset et sur d'autres versets pour réfuter cette règle innovée qui est la fin justifie les moyens. Après avoir mentionné ce qui est voulu par l'union dans le Coran et la Sunna, et après avoir mentionné la position de certaines sectes concernant ce fondement, nous allons voir les méfaits de la division. Il faut tout d'abord savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala a blâmé la division dans de nombreux versets, ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans de nombreux hadiths, notamment au vu des grands méfaits qui découlent de la division. Et nous allons mentionner dans cette conférence trois méfaits de la division. Le premier, c'est que la division est une caractéristique des polythéistes. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans sourate Ar-Rum, sourate les Romains, « Wa la takunu min al-mushrikin min al-ladhin farraqu dinahum wa kanu shi'a kullu hizbin bima ladihim farihun. » Ne soyez pas du nombre des polythéistes, de ceux qui fractionnent leur religion et se divisent en sectes, chacun se réjouissant de ce qu'elle détient. Le deuxième méfait de la division, c'est que la division est une cause d'affaiblissement. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans sourate Al-Anfal, sourate le butin, وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. Obéissez à Allah et à son messager et ne divergez pas, sinon vous fléchirez et perdrez vos forces. Le troisième méfait est que la division est une cause d'égarement. En effet, la division et les divergences sont l'une des causes qui ont mené les communautés précédentes à l'égarement, comme cela a été rapporté dans les deux recueils authentiques de l'imam al-Bukhari et Muslim. D'après Abu Huraira qu'Allah l'agré, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ce qui a causé la perdition de ceux qui vous ont précédés est seulement l'excès dans leurs questions et leurs divergences avec les prophètes. » Et la division a beaucoup d'autres méfaits que les savants ont mentionnés dans leurs livres. Et les gens de la Sunna ont toujours mis en garde contre la division. Et ils ont mentionné les causes qui mènent à la division et aussi les méfaits de la division et comment y en sortir. Et les gens de la Sunna ont même mentionné que tout ce qui mène à la division est interdit. Et ceci est une règle générale, que ça soit dans la vente ou que ça soit même dans le mariage. Par exemple, les savants de la jurisprudence mentionne que si une personne est intéressée pour acheter un objet et qu'il commence à toucher cet objet et tester cet objet, alors à ce moment-là, il est interdit de demander le prix de cet objet au vendeur et d'acheter cet objet. Pourquoi ? Car ceci va mener à la division et tout ce qui mène à la division est interdit. Pareil, dans ce qui est relatif au mariage, Il est interdit à un homme de demander une femme en mariage qui a déjà été demandée en mariage par un autre homme. Car ceci va mener à la division. Et tout ceci, les savants de la Sunna l'ont très bien clarifié dans leur livre. C'est pour cela que nous nous désavouons de la parole de certains faibles d'esprit qui disent que les gens de la Sunna sont ceux qui divisent la communauté. Cette parole est une erreur manifeste et une injustice volontaire. Et pour la réfuter, il nous suffit juste de mentionner quand est-ce que les divisions ont commencé dans la communauté. Et ce qui est connu de tous, c'est qu'elles ont commencé lors de l'apparition de la secte des Khawarij. À la base, les musulmans étaient unis sur le Coran et sur la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis lorsque la secte des Khawarij sont apparues à l'époque des compagnons, les musulmans ont commencé à se diviser. Puis s'en est suivi l'apparition de la secte qu'on appelle Al-Qadariya, et les divergences se sont amplifiées. Ensuite, il y a eu la secte des Mu'tazila, qui est apparue à l'époque des Tabi'in, et notamment à l'époque de Hassan al-Basri. Et plus les innovations se sont répandues, et plus les musulmans se sont divisés. Et ce n'est sûrement pas les gens de la Sunna qui divisent, car les gens de la Sunna appellent au tawhid, appellent à revenir l'ensemble des musulmans au Coran et à la Sunna, et leur prêche ne sort pas, insha'Allah ta'ala, du Coran et de la Sunna. Au contraire, des gens de l'innovation qui sont sans aucun doute l'une des causes de division. Et l'une des causes que la communauté aujourd'hui est divisée. Vous trouvez telle secte qui va suivre tel cheikh. Vous allez trouver la secte d'établir qui suit tel cheikh, Mohamed Ilyas. Et vous allez trouver que la secte qu'on appelle Al-Jahmiya va suivre tel et tel cheikh. Ainsi de suite. Alors que les gens de la Sunna ont toujours appelé à suivre les pieux prédécesseurs, à commencer par les compagnons, car comme nous l'avons dit précédemment, ce sont eux qui ont vécu la révélation. Ce sujet est certes très vaste. Nous ne pouvons pas le définir en une seule conférence, mais on a mentionné ici ce sujet d'un point de vue global. Et si Allah subhanahu wa ta'ala le permet, nous réitérerons ce sujet dans d'autres assises, Insha'Allahu Ta'ala. Et c'est sur ces mots que cette conférence se termine. Et notre prochain rendez-vous, Insha'Allahu Ta'ala, sur la radio, c'est demain à 16h avec le cours de notre frère Abu Hamad Suleyman Al-Ha'iti. Qu'Allah Subhanahu wa ta'ala lui accorde la réussite. Wallahu al-musta'an wa bihi at-tuklan. Subhanaka Allahu wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.